Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. C'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. I've been trying to let it go, been trying to free my soul. But all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows, my bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance, I'll breathe it. Un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée. Can you hear me?